Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez du son? C'est bon, je peux commencer? Akhi, Abou Asma, est-ce que je peux commencer? إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شيخ فرحان الله عز وجل. On est arrivé donc au troisième cours sous le titre Ils sont la paix et des cœurs de Cheikh Mohamed Saïd Raslan حفظه الله تعالى يرحمك الله. Et on est arrivé, et comme je l'avais déjà dit dans, au premier cours, et je l'avais répété dans les cours qui ont suivi, que c'était un sermon du vendredi fait par donc ce cheikh d'Égypte, parmi les savants d'Al-Sunnah al-Jama'a, parmi les chouïrs salafis. Et on est arrivé au deuxième sermon, le khutbah thaniya, où il dit le cheikh, Hafidahullah ta'ala, فَإِنَّهُ فِي مَسِيرَةِ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ الَّذِي أَسَّسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بوحي الله على الكتاب والسنة لم يكن يوما من الدهر ملتبسا على أحد من طلاب العلم صنيع الأئمة بل كانوا بصنيعهم واعين والحقيقة ما قرروه مدركين أو لحقيقة ما قرروه مدركين لم يخلطوا بين ترجمة الرجل وجرحه. Ici, concernant le point, on avait parlé de certains fondements des gens de la Sunna, du consensus à la Sunna al-Jama'a, et on est arrivé à un point qui est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens essaient de répandre l'ambiguïté à ce sujet-là. Et c'est le fait que quand tu critiques quelqu'un, ou quand un savant critique quelqu'un, parmi les gens qui méritent d'être critiqués, ils disent qu'ils rendent obligatoire le fait de dire aussi son bien. Et c'est ce qu'on appelle la bid'at al-muazanat. C'est-à-dire qu'ils demandent, ils commandent que l'équilibre soit fait, si vous voulez. Et on a dit que c'était une bid'at. Et que les savants de la Sunna ont réfuté cela. Hein? Donc, notamment Cheikh Al-Fawzan, et j'avais cité une source, qui est un livre que j'ai recommandé dans le Manhaj parmi d'autres livres que j'ai cités dans le dernier cours, et qui est l'Ajoub al-Mufida an Asilat al-Manhaj al-Jadida, et qui est un livre qui compile les questions-réponses de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dans le Manhaj, fait par Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, qui est un de ses élèves, et qui est un Cheikh salafi connu également. Et dans ce livre-là, page 49 à 60, ils s'attachent, les deux Cheikhs, à réfuter cette ambiguïté-là. Nos d'autres savants ont réfuté cette ambiguïté-là, comme Cheikh Rabi, évidemment, Hafidhahullah ta'ala, Cheikh Al-Albani et d'autres, hein, parmi les savants de la Sunna et du consensus. Et ils répandent, les gens d'innovation, une ambiguïté selon laquelle l'imam Dahabi rahimahullah et d'autres savants, lorsqu'ils faisaient la biographie de quelqu'un et qu'ils disaient son bien, son mal, eh bien ils disaient aussi son bien. Et c'est ça que parle ici Cheikh Raslan. Et il dit, très justement, il dit, sur la voie de cette noble science, la science de la législation de l'islam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a basé par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Coran et la Sunna, jamais les étudiants en sciences islamiques n'ont éprouvé de confusion quant au travail des imams, mais de plus ils sont connaisseurs de leur œuvre et comprennent sa réalité. Ils ne confondirent pas la biographie d'un homme avec le fait qu'il soit critiqué. Et on avait cité des exemples, et on va encore citer dans des exemples très concrets qui vont réfuter de manière très précise et très forte cette ambiguïté-là. Inch'Allah. Il dit le shir, « Amma kutub at-tarajum wa at-tarikh, ka tarikh al-islam, wa sir a'lam nubala, wa al-bida wa al-nihaya wa ghayruha, tadkuru mali al-rajuli wa ma'alih, wa ma'alih in kana majruhan. » أما كتب الجرح والتعديل كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال للمزي وميزان الاعتدال الذهبي هذه الكتب لا يذكر للمجروح فيها إلا جرحه فرق بين ترجمة الرجل وجرحه والخلط بين هذين الأمرين معيب معيب. Il dit le Cheikh حفظه الله تعالى les livres de biographie d'histoire comme تاريخ الإسلام السير أعلم نبلاء. On avait dit déjà, c'était l'imam Dahabi rahimahullah. Al-Bidaya wa al-Nihaya d'Ibn Kathir. Et d'autres citent ce qui est pour l'homme et ce qui est contre lui. Et ce qui est contre lui s'il a été critiqué. Tandis que les livres d'éloges et de critiques, Kutub Jarh wa al-Ta'dil. Et ça, la science de Jarh wa al-Ta'dil, c'est l'une des nobles sciences du hadith dont le porteur de l'étendard est à nos jours, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali qui vit à la Mecque actuellement, hafidahullah ta'ala. Comment on a attesté l'imminent savant du hadith Cheikh Mohamed Nasser Din Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et à l'occasion, je voudrais rappeler une conversation au téléphone que j'avais eue à l'époque avec Cheikh Mohamed Abdelwahab Al-Banna, ou en tout cas qu'on avait avec des frères de Bruxelles il y a pas mal d'années maintenant, il y a au moins 7-8 ans d'ici. Rahimahullah ta'ala, ce savant qui fait d'ailleurs partie des chouyours de Cheikh Rabi hafidahullah ta'ala. Et d'ailleurs, Cheikh Mohamed Abdelwahab Marzouq Al-Banna rahimahullah ta'ala, il avait dit qu'il n'y a aucun doute que le revivificateur de la science Jarh wa Ta'dil à cette époque, c'est Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et regardez, subhanallah, le Cheikh fait partie des chouyours et des enseignants et des professeurs de Cheikh Rabi', et il reconnaît ce fadl-là à Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala. Alors, même exemple que Cheikh Najmi, qui fait aussi partie des chouyours de Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, il reconnaît la même chose à Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, et il dit que Cheikh Najmi, rahimahullah, qui est l'ancien mufti du sud de l'Arabie Saoudite, qui est décédé il y a quelques années, rahimahullah ta'ala, et que j'ai eu l'honneur, alhamdoulilah, d'avoir eu au téléphone aussi plusieurs fois, alhamdoulilah, wa rahmatullah alayh, eh bien, il avait dit la même chose. Il avait dit, je l'envie, mais de la bonne envie, évidemment, je l'envie pour sa défense de la sunna. Abdurrahman, tu fermes la porte là-bas. Donc, on a dit, tandis que les livres d'éloges et de critiques, comme Jarh wa al-Ta'dil ibn Abi Hatim, et Tahdib al-Kamal d'Al-Mizzi et Mizan al-Tidal al-Tahabi, ces livres ne citent au sujet de ceux qui sont critiqués que leurs critiques. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on fait la distinction entre les livres de biographie, où on dit les deux, on dit le mal de quelqu'un lorsqu'il est critiqué, mais on dit aussi son bien parce que c'est dans le cadre d'une biographie. Tandis que dans le Jarh wa al-Ta'dil, quand on critique quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne cite que son mal. Et le fait d'imposer dans la critique, le fait de dire son bien, est considéré par les savants de la sunna comme une bid'a, comme une innovation religieuse. Et on va donner des exemples. Parce que les gens de l'ambiguïté, ils répondent une ambiguïté selon laquelle, et le même Dahabi rahimahullah, il a dit du bien, des gens dans la biographie de ces gens-là, en même temps que leur mal. Et bien on va réfuter cela en disant que le Dahabi lui-même, dans des livres de Jarh al-Ta'dil, n'a dit que leur mal lorsqu'il les a critiqués. Tandis que les livres d'éloges et de critiques comme Jarh wa al-Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, retenez ce nom-là, et sont des imams de la communauté, et Tahdib al-Kamal d'Al-Muzzi, et Mizan al-I'tidal d'Al-Dahabi, encore une fois, regardez, une fois c'est un livre ici d'Al-Dahabi, rahimahullah, Mizan al-I'tidal, contrairement à ce qu'il fait dans Siyar al-Alam Nubala, qui est un livre de biographie des hommes. Ces livres ne citent au sujet de ceux qui sont critiqués que leurs critiques. قال الذهبي رحمه الله تعالى الشيخ الكوتيني عفوا en disant d'abord je termine ce point là il y a une différence et que soit bien clair dans vos esprits chers frères et chers sœurs barakallahu fikoum il y a une différence entre la biographie d'un homme et le fait qu'il soit critiqué et mélanger ces deux affaires différentes est une chose honteuse le cheikh il dit et il répète il dit est une chose honteuse قال الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء في ترجمة ابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد لم يكن من النبلاء أصلا حتى يسلك في سلك إعلامهم لكن الذهبي رحمه الله ذكره في سير إعلام النبلاء وقد كان ابن أبي دؤاد داعية التجهم الأكبر وكان حاملا لواء البدعة في حرب أهل السنة في إيذاء إعلامها. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة في السير: القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، ولم يضف إلى كرمه كرم. قال أبو العيناء: كان شاعرا مجيدا فصيحا بليغا. وذكر الذهبي رحمه الله بعد ما جرح به. هذا كله في ترجمته: كرم وسخاء وأدب وافر وعطاء. وذكر جرحه يترجم له فيذكر ما له وما عليه. فلما ذكره في ميزان الاعتدال قال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك سنة 400 سنة 400 400 جاب غزون 400 قل ما روى، لم يزع على ذلك حرفا. فجرحه جهمي بغيض وسمه بما ينبغي أن يسمى به، فصار خارج إطار القبول. Alors c'est cet exemple que à quel je faisais référence il y a peu pour montrer la réfutation de cette ambiguïté que certains essayent de répandre, comme quoi il faut dire le bien d'une personne lorsqu'on la critique. Et il se réfère à certains livres de biographie, comme le livre de l'imam Dahidu rahimahullah ta'ala, qui est Siyar A'lam al-Nubala. Alors écoutez cela et essayez de retenir cela pour que vous sachiez répondre à cette ambiguïté et que vous sachiez la réfuter avec précision. Hafidhakum Allah. الذهبي رحمه الله قال لفات ميزيريكورد il a dit dans son livre سير أعلام نبلاء. Et j'avais dit dans le cours précédent qu'à un moment on devait traduire ce titre là et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien en français le titre de ce livre là de l'imam الذهبي رحمه الله serait les biographies des nobles de grande renommée. Les biographies de nobles de grande renommée. Il dit dans la biographie de Ibn Abi Duad, qui d'ailleurs ne fait pas partie des nobles, c'est pour ça qu'on a traduit ce livre là, ce titre là qui d'ailleurs ne fait pas partie des nobles pour qu'il soit cité parmi ceux dont qui sont célèbres. Parce que les livres, c'est Sir A'lam Nubala, les biographies des nobles de grande renommée. Or, Ibn Abi Duad, il a une biographie dans le livre de l'imam Dahabi Rahimallah, mais il ne fait pas partie des nobles. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi de la Sunna et des gens de la Sunna. Mais Dahabi Kalalifas Mizjakur l'a cité dans Sir A'lam Nubala, alors qu'Ibn Abi Duad était quelqu'un qui appelait au grand Tajahum. Alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi Tajahum. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, mais sous d'autres formes. Jahmit, Al-Jahmiyyah, Tajahum. Eh bien, Tajahum, c'est d'avoir le madhab de Jahm ibn Safwan, qui est de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont même renié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin dans Al-Qawl Mufid, fi Sharh Kitab al-Tawhid, volume 1, page 413 à 415. Donc on a dit quoi? Qu'il était quelqu'un qui appelait au grand Tajahum. Il portait l'étendard. Comme Cheikh Rabi' porte aujourd'hui l'étendard de la Sunna, cet homme-là, à l'époque, il portait l'étendard de la Bid'a. Il portait l'étendard de l'innovation religieuse. Car comme il y a des gens, ya ikhwa, qui portent l'étendard de la Sunna à notre époque, à toute époque, eh bien il y a des gens qui portent l'étendard, ul'adou billah, qu'Allah nous préserve de cela, qui portent l'étendard de l'innovation religieuse à cette époque et à toute époque. Il portait l'étendard de l'innovation religieuse dans la guerre contre les gens de la Sunna et dans le fait de causer du tort à ces gens célèbres. Eh bien, Dahabi rahimahullah, il a dit dans sa biographie, dans Sir, ce qu'on appelle As-Sir, c'est-à-dire Sir A'lam Nubala, il dit, écoutez bien, le grand juge, regardez comment il est décrit, Abu Abdillah Ahmad ibn Abi Duad, le Jahmit. Là, ce n'est pas une critique, ça. Na'am, c'est une critique, le Jahmit, il dit. Et on a vu, c'était quoi le Tajahum? L'ennemi d'Ahmed ibn Hanbal, ça aussi c'est une critique. Parce que l'imam Ahmed, c'est l'imam des gens de la Sunna. Il appelait à la croyance selon laquelle le Coran serait créé. Ça aussi c'est une critique, parce que cette croyance-là c'est du kofr. Parce que pour la croyance correcte des gens de la Sunna, c'est de dire Al-Qur'an, Kalamullah, Ghayru Makhluq. Tu ne peux pas te taire, tu dis Ghayru Makhluq. Tu dis le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Tu fais cette précision-là. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Le Coran, kalamullah, ghayru makhluq. Les salafs et les ulamas aujourd'hui, ils disent qu'il faut apprendre cette aqidah-là et l'apprendre à nos enfants, aux membres de notre famille, hein, aux membres de notre famille, afin qu'ils la connaissent par cœur. Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhluq. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Il appelait à la croyance selon laquelle le Coran serait créé. Et puis regardez ce qu'il dit. Après cette critique-là, il dit, il avait de la générosité, et de la largesse, et des manières à profusion, etc. Abu al-Aina a dit à son sujet, c'était un poète émérite, éloquent, disserte, et beau parleur. Et puis l'imam al-Dahabi a cité certaines choses en raison desquelles il a été critiqué. Tout cela se trouve donc dans sa biographie. Générosité, largesse, bonne manière, et le fait qu'il ait été critiqué, donc les deux. Sa biographie est faite, on cite donc quoi, le positif et le négatif. Mais lorsque le cita dans Mizan al-I'tidal, c'est qui a fait qui le cite dans Mizan al-I'tidal? Pour voir si vous suivez le cours ou pas. Parce que je sais qu'on a servi du thé là, parce qu'il pleut fort ici chez nous et que vous êtes un peu froid, donc on vous a fait du thé, mais il faut rester concentré les frères. Hein? Parce qu'il y a des frères qui sont ici devant moi que j'ai accueillis à la maison pour suivre le bon cours en direct. Alors c'est qui a fait Mizan al-I'tidal? Hein? Ben, si tu suivais le lien et le fil. Ce que j'ai dit, tu retrouverais facilement ce que... Qui sait? Bien sûr. On parle de l'imam Dahabi, rahimahullah, ici. Lorsqu'il le cita dans Mizan al-I'tidal, il dit « Ahmed ibn Abi Du'ad, le juge jahmite, détestable, mort en 240, et il a peu rapporté. » Et il n'ajouta pas une lettre à cela. Il le critiqua, « jahmite, détestable. » Il le décrit par ce dont il convenait qu'il soit décrit, et donc fut exclu par cela de ceux de qui on accepte le hadith. Hein? Pourquoi? C'est la même personne ici. Donc celui qui vient te rapporter l'ambiguïté, il te dit, « Ya akhi fillah, comme ça là. Ya akhi fillah, t'akhillah, tu dois dire le bien quand tu critiques quelqu'un. Regarde l'imam Dahabi, qu'est-ce qu'il a fait dans Sirah al-Nubala? » Et tu lui fais, akhi, l'imam Dahabi, lui-même, rahimahullah, dans Mizan al-I'tidal, il n'a pas dit le bien qu'il a critiqué la même personne. Et toi, tu es confus, mais les savants de la sunna, de toute époque, et les étudiants en sciences islamiques de la sunna, de toute époque, ils n'ont jamais été confus à ce niveau-là. Ils ont fait la différence entre la biographie, les livres de biographie, kutub al-tarajum, comme on les appelle, et kutub al-jarh wa al-ta'dil. Chaque fois, laissez la porte ouverte pour que les gens, ça évite... Dis-lui juste, we're not interested, c'est tout. Rafonier, il y a un peu d'interaction ici. Donc j'espère que ce point-là, il est compris, inshallah. Wa in kana lahu kama qala tisyar karamun wa sakha, ma yanfa'una hada. وما علاقتنا به إنما ننظر في التراث الذي خلفه لأنه حق الأمة ويجب على الأمة أن تنظر فيه زيف زائفة وتنفي باطلة وتحذر منه أما أن تقبله على علاته فما هذا من منهج سلفنا المتقدمين وله من شأن طلاب العلم الجادين بل ولا من شأن العقلاء الفاهمين وأما القوم فيخلطون عمدا كي يمرروا أئمة البدعة الذين يجعلهم أئمة يدعون أنهم في السنة أئمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Regardez cet excellent dar, cet excellent khutba, Cheikh Raslan حفظه الله تعالى, que l'on récompense par le Firdaus al-A'la. D'ailleurs, sur Twitter, j'ai vu une parole de l'imam Ahmed, de Cheikh Ahmed Bezmoul, qui dit que celui qui critique Cheikh Raslan, c'est soit un moumayyi', soit un haddadi. Il dit Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, et ce même s'il avait, comme c'est rapporté dans As-Siyar, une générosité et une largesse. En quoi cela nous est utile? Quel est notre rapport avec cela? Nous ne regardons donc que dans l'héritage qu'il a laissé, car c'est le droit de la communauté. Et c'est une obligation qui incombe à la communauté d'analyser afin de démontrer sa fausseté et de réfuter ce faux et mettre en garde contre lui. Que tu l'acceptes avec ce qu'il a comme défaut, cela ne fait pas partie de la méthodologie de tes prédécesseurs. ni de la méthodologie des étudiants en sciences islamiques qui sont appliqués. Mais de plus, cela n'est pas la voie des doués de raison qui comprennent. Regardez ce qu'il a dit le cheikh ici. Ce n'est pas la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et pour en rappeler, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur la radio dessus de la publication et qui n'ont peut-être pas un préacquis au niveau de la salafia. La salafia, ce n'est pas quelque chose de mustahab, ya ikhwa. Ce n'est pas quelque chose de préférable si tu veux, tu peux suivre, si tu veux, tu ne peux pas suivre. Tu ne dois pas suivre. La salafia, c'est la seule voie de vérité. C'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et le consensus des sahaba, nous appelle à suivre. Et c'est le fil de suivre nos pieux prédécesseurs, le salaf al-salih. Et comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa, il a dit: وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذَهَبَ السَّلَفِ وَاعْتَزَى إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ. Il n'y a aucun reproche, aucun blâme à celui qui s'affilie à la voie des salafs depuis prédécesseurs, mais de plus, il est obligatoire, avec le consensus, l'unanimité des savants, d'accepter cela de lui. Cheikh Abil Jabir, il dit ça, c'est une preuve de l'unanimité des savants sur l'obligation de s'affilier à la salafia, au salaf salih. Et les salafis ont de nombreux noms qui sont tirés du Coran de la Sunna, contrairement aux noms des sectes innovées qui sont tirés soit de leur cheikh, soit de leur innovation religieuse, comme le Jahmiya, Jahmi ibn Safwan. L'i'tizal, pourquoi le Mu'tazila? Parce qu'ils i'tazalu an majalis al-Hassan al-Basri. Ils se sont isolés des assises de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Al-Qadariya, par rapport à leur bid'a qu'ils avaient concernant la croyance sur le Qadar. On avait parlé de ça dans le dernier cours, quand Abdullah ibn Omar il a cité le hadith de Jibril alayhi salam pour réfuter leur bid'a. Al-Qutbiyoun, par exemple, qui est une secte contemporaine, référence à Sayyid Qutb, qui est un individu, qui n'était pas un savant et qui a critiqué les sahaba et même jugé mécréant certains d'entre eux et a critiqué certains prophètes comme Moussa alayhi salam. D'accord? Sururiya, par exemple, les suiveurs de Mohamed Zine Abidine Surur, qui juge mécréant l'état d'Arabie Saoudite et qui se délecte confortablement à Londres ici. Pas loin de chez nous ici. Eh bien, les salafis, ils ont de nombreux noms tirés de le Coran ou la Sunna. Comme par exemple, Ahlul Athar, Al-Ghuraba, les étrangers, Ahlul Sunna ou Al-Jama'a, les gens de la Sunna du consensus. Et Cheikh Islam Taymiyyah, il a bien expliqué, comme les ulama ont bien expliqué cette terminologie-là, Ahlul Sunna, les annahum tamassikuna biha. Les gens de la Sunna, car ils s'accrochent à la Sunna. Ou Al-Jama'a, les annahum mujtami'un alayha. Car ils sont regroupés sur la Sunna. Ahl bid'a wal furqa, le contraire, les gens d'innovation et la division. Car comme c'est un signe des gens de la sunna qu'ils soient regroupés sur la sunna, et bien c'est un signe des gens d'innovation qu'ils soient divisés. Même si tu crois qu'ils sont regroupés, ils ne sont pas regroupés. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs ils sont divisés. Et ici, pour les frères et les sœurs qui veulent avoir plus de détails au niveau de la salafia, Wallahi, on a fait une conférence il y a maintenant 2-3 ans sur la salafia, la voie du juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. Et évidemment, il convenait dans cette conférence-là d'expliquer c'est quoi la salafia et de montrer l'obligation de s'affilier à la salafia, et de la défendre contre les ambiguïtés qu'on entend des musulmans qui sont égarés et des non-musulmans dans la presse et autres. Et on a fait ce cours-là, il a été mis en PDF, il est en audio sur notre site spfbirmingham.com, même si je sais qu'il est en maintenance, mais Inch'Allah il sera bientôt prêt, Inch'Allah, juste pour qu'il soit rénové, qu'il soit plus agréable pour les gens et qu'il soit plus accessible et plus pratique. Mais sinon, sur le site de nos frères de Al-Furqan à Bruxelles, Centre Al-Furqan, je l'ai fait en Belgique ce cours-là, il se trouve aussi en PDF et en audio sur le site de Centre Al-Furqan. À la Koulihal, on revient au sujet du cours, on a dit que tu l'acceptes avec ce qu'il a comme défaut, cela ne fait pas partie de la méthodologie des plus prédécesseurs, ni de la méthodologie des étudiants en sciences islamiques qui sont appliqués, mais de plus, cela n'est pas la voie des doués de raison qui comprennent. Mais c'est même pas doué, même les doués de raison n'acceptent pas cette chose-là. Ces gens-là, qui répondent à cette ambiguïté-là, mélangent les choses sciemment, c'est-à-dire de manière intentionnelle, afin de faire passer les imams de l'innovation religieuse, dont ils ont fait des imams, et de prétendre qu'ils sont des imams de la sunna. Il ne faut pas être naïf, il y a un but dans cela. Et puis le Cheikh ici cite un verset de Sourate Al-Kahf, dont la traduction du sens est « Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. » Sourate Al-Kahf, verset 5. C'est ton travail, ça, hein? De servir les frères, hein? وهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره قالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني تريد أن يختار لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عن عاتقه وفيها لأهل العلم من أهل الحديث قولان قالوا إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أي هو لا يكف عن الرحلة أبدا جواب آفاق هذا قول والثاني أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوق لا مال له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن في معاوية وهو كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن فيه من الفضائل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبالة ما ذكر فيه ألم يكن في أبي جهم رضي الله عنه من الفضائل والفواضل ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدا الموازنة بين الحسنات والسيئات أين هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام أهل البدعة الذين حرفوا الأمة عن صراط المستقيم وأضلوا الشباب عن الطريق القويم طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا صنيعه وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوق لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد هذا صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم encore un exemple de la sunna parce que les gens de la sunna ils parlent avec preuve avec dalil hein je sais pas si Abou Asma tu peux me confirmer que tu as toujours du son barakallahu fik Voici l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté par Muslim dans son authentique, d'après la narration de Fatima ibn Qais, car elle a agréé qu'elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander conseil. Elle dit, ô messager d'Allah, Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahmin m'ont demandé tous deux en mariage. Elle veut donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam choisisse pour elle, car elle a agréé. Que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit quant à Abu Jahmin, et ne pose pas son bâton de son épaule. Alors le Cheikh il dit, les gens de science parmi les gens du hadith ont deux avis. Sur qu'est-ce que ça veut dire? Il ne pose pas son bâton de son épaule. Ils disent qu'il ne pose pas son bâton de son épaule, cela veut dire qu'il n'arrête pas de voyager. Ce qu'on appelle un grand voyageur. Cela est un avis. Le deuxième avis c'est qu'il frappe beaucoup les femmes, ne pose pas son bâton de son épaule. Quant à Muawiyah, il est pauvre et n'a pas d'argent. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah, lui qui était le scribe de la révélation, en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas des préciences que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu citer en face de ce qu'il a dit sur lui? Comprenez ça? Hein? N'y a-t-il pas en Abu Jahm, qu'à l'agré, des préciences qu'aurait pu citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faisons alors l'équilibre entre les bons points et les mauvais points. Où se trouve cela dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est la parole des gens de l'innovation religieuse qui ont dévié la communauté du droit chemin et ont garé les jeunes de la voie droite, la voie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il a dit. Quant à Abu Jahm, il ne dépose pas son bâton de son dos. Et quant à Muawiyah, il est pauvre sans argent. Marie-toi plutôt avec Osama ibn Zayd. Lakin kihi Osama ibn Zayd. Voilà ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Encore un autre dalil. Wa an al-Bukhari fi sahih an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan sta'dana 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala sallallahu alayhi wa sallam idinu lahu bi'sa akhu al-'ashirati aw bi'sa ibn al-'ashira hadha kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hal iltazama an yadhkura ma lahu fi muqabil ma 'alayh laqad dhakara Allah al-kuffar fi al-Qur'an وحذر منهم وذكرهم بما هم له أهل وبين مآلهم ومصيرهم دنيا وآخرة وكان لهم فضائل كانوا أهل نجدة يغيثون الملهوف وبعضهم ينصر المظلوم وكانوا يطعمون يبذلون الأموال لهم بعض الأخلاق الصالحة مما كان قبل مما توارثوه. فهل ذكر ربنا سبحانه وتعالى جلت قدرته لهؤلاء شيئا من ذلك؟ il donne encore d'autres preuves. Parmi les preuves qu'il cite pour réfuter cette ambiguïté des gens de l'innovation et des ambiguïtés, et dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Aïcha Kalalagré, qu'un homme demanda l'autorisation de rentrer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Laisse-le entrer, quel bien mauvais compagnon de tribu il est. » Ça, c'est un hadith que je vous conseille de lire, et de lire les charhs des ulama, parce qu'il est plein d'enseignements. D'ailleurs, dans le hadith, pour ceux qui l'ont peut-être déjà lu, ou peut-être déjà passé dessus, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha? Elle est étonnée de cette... parce qu'après, le professeur Hassan, il a souri à cette personne-là. Il l'a accueilli, etc. Il a dit, comment c'est, tu as dit ce que tu as dit sur lui, et après tu t'es comporté de cette manière-là avec lui. Il a dit, inna minan nasi may yuttaqa sharruhu. Il y a parmi les gens des gens dont on craint leur mal. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec lui de cette manière pour une hikma. Il y a une explication du ulama, hein, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais je suscite juste votre curiosité, je suscite pour vous une curiosité que vous alliez voir. Et c'est comme ça, comme je dis toujours dans mes cours, que le talib ilmi se construit. C'est pas en écoutant des informations et des références et en les laissant passer, comme vous pourrez écouter quelque chose qu'on nous dit. Maintenant, au contraire, il faut quoi? Il faut aller voir les sources, il faut aller voir les références, et c'est comme ça que tu te construis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le entrer, quel bien mauvais compagnon des tribus il est. Ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'est-il imposé de citer ses points positifs en face de ses points négatifs? Et puis donne encore une autre preuve. Allah a cité les mécréants dans le Coran et a mis en garde contre eux et a dit à leur sujet ce qu'ils méritent et a mis en évidence leur fin et leur destination dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors qu'ils avaient certaines préséances. Ils avaient du courage. Et secourait l'opprimé, et certains aidaient celui qui avait subi une injustice, et donnaient à manger, et donnaient généreusement, et avaient certains comportements vertueux qu'ils avaient hérités du passé. Est-ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a cité l'une de ces choses à leur sujet? Bien évidemment, la réponse est non. Encore une autre preuve, il dit, le cheikh ici. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme akhraj al-Bukhari fi sahih. لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفأخذ من ماله من غير علمه فقال نعم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف لم يقل لها ولكن يا هند هو من كان شحيحا إلا أنه فيه من الخير ما فيه وفيه من الفواضل ما فيه ويعد ما له من الحسنات رضي الله عنه هل فعل النبي شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم إذا كان الماق مقام جرح لا تذكر حسنة وإلا أضعفت الجرح كما قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى هذا طريق السلف ومنهاج النبوة عند جرح الرجل لا تذكر حسناته عند الترجمة أذكر ما له ما عليه ما لنا ولترجمته نحن في وصف حاله مجروحا إذ نحذر منه الأمة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, quand Hind ibn Utbah, car Allah gré lui dit, « Oh messager d'Allah, Abu Sufyan est certes un homme avare. » C'est-à-dire qui sont? Son mari. « Il ne me donne pas ce qui nous suffirait à moi et à mon fils. Puis-je prendre de son argent sans qu'il ne le sache? » Il, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, « Oui, prends de manière convenable ce qui vous suffit à toi et à ton fils. » Il ne lui a pas dit, « Mais Hind, même s'il est avare, il a telle chose de bien, et telle préséance, et ne s'est pas mis à citer ses bons points l'un après l'autre. » Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cela? Si la situation est une situation de critique, on ne cite pas de bons points. Car si tu fais cela, tu affaibliras la critique, comme l'a dit l'éminent savant du hadith, Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà la voix des plus prédécesseurs et la voix prophétique. Lorsqu'un homme est critiqué, ses points positifs ne sont pas cités. Quant à la biographie, tu cites à son sujet le positif et le négatif. Quel est le lien avec sa biographie lorsque nous sommes en train de le décrire comme ayant été critiqué? Car nous mettons la communauté en garde contre lui. Ne vois-tu pas, si un homme avait la peste Et maintenant, vous commencez encore mieux à comprendre le cours, le titre du cours. Ils sont la peste des cœurs. Innahum ta'un al-qulub. Regardez l'exemple qu'il va donner le cheikh ici. أرأيت لو أن رجلا به طاعون وكان جوادا كريما فارسا باتلا معطاء آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فأصابه طاعون فعزلناه أن نقول لا نعزله لأن ما به من الطاعون لا يقوم بإيذاء ما فيه من الفضل والخير فنطلقه في المجتمع ولا نأخذ بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها يريد الطاعون عليه الصلاة والسلام صاحب البدعة أشد فتكا بالمسلمين من صاحب الطاعون بهم هذا طاعون القلوب طاعون الأرواح هذا مبير الآخرة مهلك المآل هذا الذي يحرف الناس عن الصراط المستقيم إذا تركته في المجتمع طليقة أو بذريعة أن له حسنات وهذا الذي به لا يقوم حسناته إذا أطلقته في المجتمع أهلكت المجتمع وهذا كله في الأبدان فكيف بالقلوب والأفئدة والأرواح هذا في الحياة الدنيا فكيف بالحياة الباقية الأخرى Écoutez cette parole et retenez cela. Quand quelqu'un vient ici parce que le but de cette ambiguïté là qu'il vous sorte, c'est quoi? C'est deux catégories de personnes. Vous avez ou celui qui répond à cette ambiguïté là parce qu'il sait et il cherche en fait à défendre les imams de la bid'a. Ou alors vous avez celui qui est dessus qui est ignorant qui répète juste ce qu'il a entendu. Comment vous allez le répondre? Eh bien, répondez avec les preuves qu'on a citées de Sahih al-Bukhari et d'autres livres de la Sunna qu'on a cités par rapport à Hind ibn Utba avec Abu Sufyan hein? Et par rapport à qui encore d'autres? Fatima bint Qais. Quand qui est venu la demander en mariage? Muawiya et? Ya Abu Jahl. Hein? Et le fait que Allah, le Coran, il a cité les mécréants, il n'a pas cité leur bien. Et retenez cela aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Il dit, ne vois-tu pas si un homme avait la peste? Regardez la logique ici. Et qu'il est généreux, un cavalier intrépide, un bienfaiteur, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, mais qu'il était touché par la peste, et que nous l'avons mis à l'écart. Que nous disions alors que nous n'allons pas l'isoler, car la peste qu'il a n'affecte pas ce qu'il a comme préscience. Et comme bien. Et que donc nous le laissions libre au sein de la société. Et que nous n'appliquons pas la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si elle, c'est-à-dire la peste, arrive à un endroit où vous vous trouvez, ne sortez pas de cet endroit. Et si vous êtes en dehors de cet endroit, n'y entrez pas. Celui qui est sur une innovation religieuse ravage encore plus les musulmans que celui qui a la peste parmi eux. Car c'est la peste des cœurs. La peste des âmes. C'est ce qui te fait perdre l'au-delà. Et cause la mauvaise destination, et c'est ce qui égare les gens du droit chemin. Si tu le laisses libre au sein de la société, ou en prétextant qu'il a des points positifs, et que la peste qu'il a ne s'oppose pas à ses points positifs, si tu le laisses libre au sein de la société, tu auras ravagé la société. Et tout ceci au sujet des corps, tout ceci est au sujet des corps. Qu'en est-il alors des cœurs et des âmes? Cela est dans cette ville ici-bas. Qu'en est-il alors de la vie éternelle de l'au-delà? Comprenez le titre maintenant? Ils sont la peste des cœurs. Ils n'ont pas le culot, des gens d'innovation. Ça me rappelle une parole de Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah ta'ala. Vous avez vu dans les aéroports, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, quand il est malade, il est malade dangereuse. Quand il arrive dans un pays, on le met en quarantaine. Il a dit, si seulement on pouvait faire ça pour les gens qui ont des choubouhat. Parce qu'ils sont plus dangereux pour les musulmans. Hein, qu'on les mette en quarantaine à l'aéroport. Rahmatullah alayh. Regardez les gens de la sunna comment ils parlent. الأمر لا يلتبس على ذي عقل ولكن إذا أضل الله تبارك وتعالى قوما فلا هادي لهم اسأل الله رب العالمين أن يهدينا وينجنبنا الضلال والإضلال هذا كله لما لأن البدعة شأنها خطير فهي أحب إلى إبليس من المعصية أي التي ليست ببدعة هي بريد الكفر البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها والعاصي على رجاء التوبة والإنابة أما المبتدع فإنه مستمر في عماية الغوايا المبتدع ماسخ للدين محرف للشريعة وما العاصي فواقع في أمر هو معصية يقر بأنه معصية والناس يعلمون وعلى رجاء أن يتوب شيخ الدين ça c'est un point important à comprendre aussi Cette affaire ne prête pas confusion pour celui qui est doué de raison. Mais si Allah égare des gens, personne ne peut les guider. Nous demandons à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il nous tienne à l'écart de l'égarement et du fait d'égarer autrui. Parce que Cheikh, il a dit, « Minad dalal wal idlal ». Tout cela pourquoi? Parce que l'affaire de l'innovation religieuse est une affaire très dangereuse. Iblis l'aime plus que les péchés, qui ne sont pas des innovations religieuses. Parce que des péchés qui ne sont pas des innovations religieuses, mais qui sont toujours des péchés. Elle est la voie, la bid'a, elle est la voie vers la mécréance. Et les ulama, ils considèrent avec consensus, ijma, que la bid'a, elle est plus grave que les péchés qui sont moindres que la bid'a. Parce qu'évidemment, la bid'a, c'est aussi un péché. C'est ça qu'il veut le shir, il est précis ici quand il parle. C'est-à-dire, on ne se repent pas d'une innovation religieuse tandis qu'on se repent d'un péché. Le désobéissant qui a commis un péché espère revenir et se repentir, tandis que l'innovateur persiste dans l'aveuglement de l'égarement. L'innovateur transforme la religion. Il falsifie la législation, tandis que le pécheur est dans un péché qu'il admet être un péché, et les gens le savent et espèrent qu'il se repente. L'innovation, eu égard à la croyance, se divise en deux catégories. البدعة تنقسم باعتبار تعلقها بالاعتقاد إلى عملية واعتقادية فالعملية ما كانت عملا من أعمال جوارح كالذكر أمام الجنازة وكصلاة الرغائب والصلاة النصف من شعبان إلى غير ذلك من البدع العملية وما البدعة العقدية فما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة سواء كان مع الاعتقاد عمل أو لا. البدعة الاعتقادية ما من أخطر ما يصيب القلوب ولذلك حذر منها الكتاب والسنة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سورة آل عمران قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. Écoutez cette classification de la bid'a, cher, qu'est-ce qu'il dit ici? L'innovation, parce que les ulama, ils ont différentes classifications de la bid'a, d'accord? L'innovation, eu égard à la croyance, se divise en deux catégories. L'innovation dans les actes et l'innovation dans la croyance. Quant à l'innovation dans les actes, dans les actions, c'est celle qui est une action parmi les actions des membres, comme invoquer devant la janaza et la prière de l'gharaïd et la prière de la moitié du mois de Sha'ban. Et d'autres encore parmi les innovations des actes. Quant à l'innovation dans la croyance, c'est de croire en quelque chose de différent de ce qui est connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non pas par obstination, mais avec une certaine ambiguïté. Que cette croyance soit accompagnée d'une action ou pas. L'innovation religieuse dans la croyance fait partie des choses les plus dangereuses qui affectent les cœurs. Et c'est pour cela que le Coran et la Sunna ont mis en garde contre cela. Vous avez entendu dans l'autre cours qu'on a cité, quand deux parmi les salafs sont venus voir le noble compagnon, fils de compagnon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, et qu'il a rapporté sur des gens de l'Basra qui disaient que la qadara wal amra unuf, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, faites-le savoir que je suis innocent d'eux, qu'ils sont innocents de moi. Et puis il a cité la suite du hadith, le hadith de Jibril alayhi salam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. C'est la parole de qui ça ici, en arabe en tout cas? Ici c'est la traduction, mais c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ali Imran verset 106. Qui l'a expliqué? Ibn Abbas, Turjam al-Qur'an, l'exégète du Coran par excellence. Pourquoi on dit cela? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on dit cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour lui. Il a dit, Allahumma faqihu fi d-din wa alimu ilm al-ta'wil. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion et apprends-lui la science du tafsir, de l'exégèse, du ta'wil. Parce que le ta'wil, il a deux, c'est pas le ta'wil que le mauvais sens que le Mubtadi'i font dans l'asma sifat, qui est dans le sens tahrif. Falsification, c'est pas ça qu'on veut dire évidemment ici, adoubillah. Ce qu'on veut dire ici, c'est tafsir, ta'wil. Il y a beaucoup de livres en tafsir, quand vous lisez, on n'utilise pas le mot tafsir, mais on utilise le mot ta'wil. Ou ta'wil ou kada, et son tafsir c'est cela. D'accord? Donc c'est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, ce noble compagnon? Il a dit, s'éclaireront les visages des gens de la sunna et du consensus, et assombriront les visages des gens de l'innovation religieuse et de la division. Alors, si quelqu'un dit, oh, mais d'où t'as sorti ce nom d'Al-Sunna Jama'a? Voilà, Abdel Abbas, il est là. Hein? S'éclaireront les visages des gens de la sunna et du consensus. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse partie, que nous fassions, qu'Allah fasse que nous fassions partie des gens de la sunna du consensus. Ceux dont les visages s'éclaireront, et pas de ceux dont les visages s'assombriront. On continue? C'est bon, Abouassement, on peut continuer un peu? Par rapport aux autres cours, on a encore 45 minutes là. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Essaye de faire le même bruit quand tu sers le thé parce que les gens sur internet ils sont. Allah al-Mustaan. Afouani Akhwa. Ça va, ils ont dit qu'ils entendent rien, alhamdulillah. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Hassanakallah. Al-Bid'atu. لا يقبل معها عمل كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أين التلاوة أين العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في شأن القدرية لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر البدعة لا يقبل معها عمل مهما بلغ وتذكر الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتهم هل أغنى عنهم ذلك شيئا لا يقبل منهم عمل وصاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي وأخرجه مسلم إن الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله من آوى محدثا والمحدث إما أن يكون محدثا بجناية وإما على الأصل أن يكون محدثا لبدعة فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم Aucune action n'est acceptée avec l'innovation religieuse comme la mise en évidence le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet des khawarij qui sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Alors attention, hein, cette parole-là ne doit pas prêter ambiguïté qu'on dise « Ah, le frère, il a dit que celui qui a une bid'a, là, c'est aucune action qui est acceptée de lui. » Dans un instant, on va faire un tafsil, on va rapporter la parole du Cheikh Rabi' Hafidahullah et la parole du Cheikh Masel Abad, qui est une parole assez longue, mais qui explique bien cela, que ce soit pas mal compris. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça risquait d'être mal compris, donc on a été chercher un peu dans les paroles des savants pour que tout doute soit dissipé. Où est l'arrestation du Coran, le Cheikh il dit? Où est l'adoration? Comme la prière et le jeûne, etc. Ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Et comme Abdullah ibn Omar a dit au sujet des Qadarites, si l'un d'entre eux possédait de l'or en aussi grande quantité que la montagne d'Uhud et le donnait en aumône, ce ne serait pas accepté de lui tant qu'il ne croit pas à la prédestination. Aucune action aussi grande soit-elle est acceptée avec l'innovation religieuse. Alors là, je pense qu'il convient de faire une parenthèse vis-à-vis de ça. Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, dit dans son explication de Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, volume 2, page 978. Hein? Et pour les frères qui n'ont pas de copie de Sharh Sunnah al-Barbahari, j'ai dit que j'en avais encore quelques-unes ici, alors deux volumes. Hein? C'est un livre qui est un livre de référence parmi les livres qui compilent la croyance des gens de la Sunnah du consensus. Il est expliqué par Cheikh Rabi' et il a été publié. Alhamdoulilah, on a quelques copies ici pour les frères qui veulent prendre quelques copies avant de partir, Inch'Allah. 978 pour les Belges et les Suisses, 978. Nous ne jugeons pas que les actions d'un innovateur qui prie et jeûne sont toutes nulles et vaines. S'il prie conformément à la sunna et jeûne selon la sunna et fait le pèlerinage selon la sunna, ces actions qu'il fait selon la sunna, nous ne disons pas qu'elles sont nulles et vaines, car on annule toutes les actions que l'association Allah, le shirk. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée sur notre Furqan, verset 23, et c'est une traduction du verset وَقَدِمْنَا إِلَى مَعَمِلُّ مِنْ عَمَلٍ فَجَعْلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, hafidhahullah ta'ala? Il dit dans son explication du Sunan ibn Majah, cassette numéro 7, les gens de l'innovation sont de deux types. Ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l'islam, ce qu'on appelle bid'a mukaffira chez les ulama, et ceux-là, leurs actions ne sont pas considérées et sont nulles et vaines. Et ceux qui ont une innovation qui n'arrive pas au degré de mécréance, que les ulama appellent bid'a mufassiqa. Retenez les termes. Il y a bid'a mukaffira, elle la titukhriju sahibaha min al-milla, ou al bid'a mufassiqa, elle la titukhriju sahibaha min al-milla. D'accord? Je répète la parole de Cheikh Al-Abbad. Il y a ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l'islam, et ceux-là, leurs actions ne sont pas considérées, sont nulles et vaines, et ceux qui ont une innovation qui n'arrive pas au degré de mécréance. Et donc, on ne les fait pas sortir de l'islam. Et ceux-là, leurs désobéissances sont contre eux, et leurs actes d'obéissance sont pour eux. Vous suivez? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, dont 72 en enfer. Et ils sont musulmans et menacés de l'enfer. Et nous ne disons pas que leurs actions ne sont pas acceptées comme celles des mécréants. Ceux qui ont des innovations qui ne le font pas sortir de l'islam sont des musulmans. Et à cause de leurs péchés et de leurs innovations, ils sont menacés de l'enfer. Ils seront châtiés si Allah veut les châtier. Et s'il leur pardonne, ils ne seront pas châtiés. Et même s'ils sont châtiés, ils ne resteront pas éternellement en enfer comme les mécréants, mais finiront au paradis. Quand c'est toujours la part du Cheikh Mohsen Al-Abbad. Hein? Quand ils repentirent, ils ne se repentent pas, car ils croient que ce qu'ils font est vérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les salafs, ils disaient, le sahib bid'a, il n'a pas de repentir. C'est ça qu'il faut comprendre ici. On avait déjà parlé de ça dans la parole du Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, hafidhahullah ta'ala. Quand ils repentirent, ils ne se repentent pas, car ils croient que ce qu'ils font est la vérité, et donc restent sur leurs innovations jusqu'à ce qu'ils meurent sans s'être repentis. Et que leur innovation ne les fait pas sortir de l'islam. Leur affaire revient à Allah. S'il veut, il les châtie. Et s'il veut, il leur pardonne. Ça, c'est un point qui est compris. Hein, c'est important. Hein. Moufassiqa. Tu sais que j'aime pas les questions pendant les cours, c'est bien pourtant. Je te répondrai après, Inch'Allah. Pour le bid'a al-mukaffira, qu'est-ce qu'on a cité? On a cité un exemple aujourd'hui en cours. De dire que le Coran est créé, c'est pas une bid'a, c'est pas un kufr, ça. On continue. إياك أن تغتر لأنك لا تضع الأمور مواضعها بحقيقة الأمر وما عليه القوم لأنهم يضلون المسلمين والبدعة في الاعتقاد أكبر من الزنا ومن إتيان الذكران من العالمين ومن شرب الخمر ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق البدعة الاعتقاد أمرها كبير من وقر صاحبها فهو معين على هدم الإسلام من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. Regardez les paroles des savants, ya ikhwa. Prends garde à ne pas être trompé, car tu ne places pas les choses à leur place en fonction de la réalité de la chose, et c'est sur quoi sont ces gens, car ils égarent les musulmans. L'innovation dans la croyance est pire que la fornication. Vous avez entendu, Echo? Hein? Certains parmi les musulmans qui n'ont pas d'ilm, tu parles de fornication, a'oudou billah, hein? Et quand il concerne les égarements des bidah, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la balance correcte, Echo. L'innovation dans la croyance est pire que la fornication. et que d'accomplir l'acte charnel avec les mâles de ce monde. C'est un kabira, ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et que de boire de l'alcool et de tuer une âme, qu'Allah a interdit de tuer sauf en toute justice. L'affaire de l'innovation dans la croyance est grave. Celui qui respecte celui qui est sur ce type d'innovation aura aidé à détruire l'islam. Et celui qui respecte celui qui est sur une innovation religieuse aura aidé à détruire l'islam. Attention, Ikhwa Akhawat. C'est pas une mince affaire, Ikhwa Akhawat. Écoutez ce qu'il va dire au sujet de l'innovation religieuse. وَالِبْتِدَعُ فِي الدِّينِ يُفَرِّقُ الْأُمَّةِ ويمزق وحدتها وتأمل في الواقع اليوم عندما يدعو أهل السنة طوائف الأمة إلى العودة إلى الأصل والنبع الصافي النمير إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نحكم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان تأمل هذه الدعوة والدعوة المقابلة التي تدعو إلى المنهج الأرحب إلى العباءة التي تضم كل ذي بدعة وتجعلهم جميعا في فسطاط واحد ليتهارجوا تهارج الحمر وليتهارشوا تهارش السباع ولينهقوا نهيق الحمير أما أهل السنة فعلى الجادة المستقيمة تأمل في دعوة ودعوة وقل بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أي الدعوتين أحرى بالاتباع وأجدى بالنفع وأولى بالقبول أدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أم اتباع الرجال في دين الله اتباع الآراء من دون الوحي المعصوم التقعيد والتنظير والتأصيل بوحي الشياطين شياطين الإنس والجن قل لي بربك أيهما أعدل أيهما أولى بالقبول وأحرى وأجدى بالنفع الحقيق البدعة رافعة للسنن التي تقابلها البدع ترفع السنن التي تقابلها كلما استقرت بدعة رفعت سنة تقابلها الابتداع في الدين يمزق الأمة ويمزق وحدتها ويحطم كيانها ويبدد طاقات أبنائها. Écoutez cette parole très forte de ce que dit le chef ici. L'innovation dans la religion divise la communauté et déchire son unité. Et médite quant à la situation aujourd'hui, quand les gens de la sunna appellent les groupes de la communauté à revenir au fondement et à la source pure et claire, de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. Médite cet appel et celui qui l'oppose, appelant à la méthodologie la plus accueillante. Hein? Comme ceux qui sont comme Abu al-Hassan al-Ma'aribi et d'autres, etc. Hein? Ils disent, non, il faut élargir le cercle. C'est trop, hein? Il y a Ikhwa, je vous assure. Hein? J'ai déjà entendu ça sur notre mosquée ici et sur notre dawa ici. C'est trop serré, c'est too tight en anglais. C'est trop serré. Hein? Ils veulent absolument que les autres soient avec nous dans le ménage. C'est comme si tu avais une djellaba, c'est ce que le cheikh va utiliser comme ça, comme tu avais une djellaba, et tu l'élargis un peu pour que d'autres gens puissent y rentrer avec toi. Ménage l'afiyah. Hein? Ménage l'Ali Hassan, Abu Hassan al-Ma'aribi, etc. Ce genre de moubtadi'a. Ils appellent à la méthodologie la plus accueillante, au manteau qui contient. Qui rassemble tous ceux qui sont sur une innovation religieuse et les place tous sur une grande tente unique, agités tous les uns contre les autres, comme des ânes, le cheikh dit, se battant les uns contre les autres, comme des lions, braillant comme des ânes, tandis que les gens de la sunna sont sur la voie droite. Médite donc les deux appels, et regardez ce qu'il dit, cheikh dit, et par ton Seigneur qui t'a créé, il te demande par Allah, et vous connaissez l'obligation, quand quelqu'un te demande par Allah, tu dois répondre, et par ton Seigneur qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement, et t'a façonné dans la forme qu'il a voulu, dis-moi lequel des deux appels est le plus en droit d'être suivi, et le plus bénéfique, et le plus en droit d'être accepté. Et c'est l'appel au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux près des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui les ont suivis avec excellence, ou ceux qui suivent les hommes dans la religion d'Allah, ceux qui suivent les opinions et ne suivent pas la révélation infaillible. Et dans le dars que j'avais fait sur la salafia, Cheikh Al-Albani l'avait prouvé, avec dalil à l'appui, que l'affiliation à la salafia, c'est une affiliation à l'infaillibilité. Ceux qui établissent des règles et des fondements et spéculent par révélation des démons, les démons parmi les êtres humains et les djinns, et quel est des appels les plus en droit d'être suivis, ya ikhwa, wa akhawan? Dis-moi par ton Seigneur, mon frère en Allah, ma soeur en Allah, lequel des deux est le plus juste? Et lequel des deux est le plus en droit d'être accepté et plus utile et plus apte à être réellement bénéfique? L'innovation religieuse fait disparaître les sunnans qui sont à son opposé. Chaque fois qu'une innovation s'établit, c'est une sunna qui disparaît. Et les paroles de salaf, elles sont connues à ce sujet-là. L'innovation dans la religion divise la communauté. Contrairement à ce que veulent dire certains groupes comme l'Ikhwan al-Muflisoun, al-Khouwan, comme Cheikh Falah Ismail l'a dit, et qui est une des riwayat, des appellations que Cheikh Mokbil donne à ce groupe-là. Il les appelait al-Ikhwan al-Muflisoun, les frères pervertis. Hein? Ou qui pervertissent plutôt. Ou Mouflis, comment on va traduire ça? C'est pas vraiment perverti, comment est-ce qu'on va traduire ça? Hein? Ala kulli hal, al-Khouwan aussi, ils appellent les traîtres. Hein? Al-Khouwan des musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent les Khouan musulmans? Ils disent نجتمع لما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Nous regroupons sur ce que nous sommes d'accord et nous excusons les uns les autres au sujet duquel nous sommes en divergence. Subhanallah. Même dans l'aqidah, ya ikhwa. Hein? Et vous le voyez, c'est les premiers à appliquer cette règle avec Shia. Et on le voit au jour d'aujourd'hui. Et les chiites le disaient, c'est les Khouan musulmans qui prennent le pouvoir en Égypte, vous allez voir. Ah, perdant, il y a un frère qui me dit sur internet, perdant, c'est bien ça, mouflis, perdant, na. Ils avaient dit le Mashiach, vous allez voir si les Égyptiens, en Égypte, les Khouan musulmans prennent le pouvoir en Égypte, eh bien, ça va être la grande porte ouverte à Rawafid. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Hein? Quoi? Des Husseiniyat qui s'ouvrent, c'est-à-dire des mosquées des chiites, on les appelle Husseiniyat, hein? Et une école qui s'ouvre. Et ça, c'est pas nouveau, ikhwa. Hatta al-Banna, parmi les têtes des Khouan musulmans et leur grand nom, eh bien, il a fait une maison, ou si vous voulez, un institut qu'il appelait Dar al-Taqrib, la maison du rapprochement. Avec qui? Avec quelqu'un qui s'appelle Al-Qummi, c'est-à-dire qu'il vient de Qum en Iran, qui était un parmi les grands des Rawafid, Al-Mu'ammam, qui avait un grand turban comme le Rawafid, disons, et ils se sont mis ensemble, ils ont fait ça pour rapprocher les Madahib, soi-disant. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, comme le dit Cheikh Falah Ismail? C'est pas rapprocher que Evan à la Sunna, c'est que nous, on a eu un tachayoua. C'est ça qu'ils voulaient, ya ikhwa. Ils ont même essayé d'obtenir à l'époque de Jamal Abdel Nasser, hein, l'ancien président d'Égypte. Ils avaient essayé d'obtenir à l'époque une faculté du Madhab Ja'fari, c'est-à-dire le Tashayyu, al-Rabd, hein, le chiisme, à l'université de l'Azhar. Vous connaissez cette histoire-là ou pas? Hein? Cheikh Falah Ismail l'avait raconté ici, elle est sur une vidéo sur internet, vous pouvez la trouver. C'est quoi en résumé, vraiment en grande ligne? C'est qu'un des chouyours de Cheikh Falah Ismail, il faisait partie des chouyours de l'Azhar. Mais à l'époque, ils étaient choisis parmi les mashayikhs. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un appel qu'ils ouvrent une faculté de Madhab Ja'fari à l'université de l'Azhar et qu'en échange, l'Azhar puisse ouvrir, hein, une faculté de Madhab la Sunna en Iran, à Qum. Et c'était présenté à qui cela? À L'Assemblée des ministres. L'Assemblée des ministres, et Jamal Abdel Nasser, le président de l'époque, ils ont voulu avoir l'avis de Meshir Zahar. Les chers de Cheikh Fala Ismaël, c'est Cheikh comment encore, je suis tout, non? Je ne sais plus son nom, Sarahadan. Parce que même sur la vidéo, j'avais mal entendu, je n'arrivais pas à entendre bien le nom, à la Koulihal retourna la vidéo. Et que ce Cheikh, alhamdoulilah, il faisait partie de cette lejna, si vous voulez, qui devait analyser ce cas-là. Il était obligé d'y aller parce que c'est sous l'égide des ministres et il voulait avoir leur avis, etc. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il a voulu que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Jabal Abdel Nasser, Allah Azza wa Jal, il a fait qu'il a refusé. Pourquoi? Pour une simple raison. Vous connaissez la raison? Alors que lui, il n'a rien avec la sunna, etc. Mais pour une simple raison, c'est quoi? C'est que les chiites, quand ils ont dit ça, ils ont dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait, hein, des gens de chez nous, c'est-à-dire des Iraniens, qui viennent et qui enseignent Madame Ja'fari chez vous, ici à l'Azhar. Et Jamal Abdel Nasser lui a dit, qu'est-ce qu'il va y avoir en échange? Donc ça veut dire qu'il va y avoir des gens de chez nous qui vont partir là-bas et enseigner chez vous. Ils ont dit, non, juste que vous envoyez les livres, et nous on a des gens qui vont enseigner vos livres là-bas. Jamal Abdel Nasser, il a dit quoi? Ça veut dire que vous, des Iraniens, vous allez venir chez nous, les Arabes, les Égyptiens, pour enseigner votre madhhab, et qu'en échange, il n'y a pas des Arabes, des Égyptiens qui vont aller enseigner la sunna chez vous. Et il a dit, la yaftah Allah, jamais. Hein? Et il a dit, le shir de Cheikh Fala Ismaël, il s'est levé dans un coin, il a fait ce jeu de choukour ce jour-là. Pourquoi? Parce que ça, on a évité de justesse que le madhab shi'i, il soit ouvert, hein, à l'époque en tout cas, en Égypte, à l'Azhar. Et maintenant, regardez le résultat avec les Ikhwan musulmans aujourd'hui. Retournez au khotab de Cheikh Al-Islam, Hafidahullah Ta'ala. Hein? Cet homme qui est un homme de science courageux. Vous savez, c'est quoi parler des Ikhwan musulmans pendant la révolution et après la révolution? Et, hein? Sur le minbar, il a été menacé de mort, il y a Ikhwan. Et il continue à parler. Il a fait une khotba. Al-Ikhwan al-Muslimoun. Vous allez voir comment ils rapportent toute l'historique des Ikhwan musulmans et qui ils sont, etc. La vidéo elle est disponible sur leur site, raslan.com. R-S-L-A-N.com. À la Kulihal, continue, inshallah. L'innovation dans la religion divise la communauté, déchire son unité et rompt son entité et gaspille les forces de ses enfants. Rappelez-moi qu'un jour on fasse cela, inshallah, que le doctorat Cheikh Fala Ismaïl, qu'on traduise quelques points de la fin du doctorat. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils prouvent dans les livres des Ikhwan musulmans comment ils ont supporté la révolution iranienne de Khomeini, et ils l'ont soutenu, et ils y ont appelé, et comment ils ont critiqué les salafis, et comment ils continuent à faire cela, et comment ils ont des stratagèmes et des accords, des pactes avec les chiites pour répandre leur madhhab. Alhamdulillah, Cheikh Fala Ismaïl, il m'a donné l'autorisation de traduire ce doctorat, comme il m'a donné l'autorisation de traduire tout son travail, tout ce qu'il fait, alhamdulillah. Mais ça fait 900 pages, mais au moins qu'on traduise quelques passages, surtout de la fin du livre, où il consacre quelques passages à cela. Écoutez ce que dit le Cheikh ici. وصاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولو تعمل المتكلمون في هذا وحده لأمسكوا شيئا من انفلات ألسنتهم إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بآثار وسنة فافعل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. C'est une parole de salaf très connue, ça. Écoutez ce que dit le Cheikh ici. Celui qui possède une innovation à son péché et le péché de celui qui l'a commis jusqu'au jour du jugement dernier. Et si ceux qui parlent méditaient juste à ce point, ils retiendraient certaines échappées de leur langue. Si tu ne peux te gratter, écoutez ce athar, si tu ne peux gratter ta peau avec ton ongle, que si tu as un texte, un athar ou une sunna, alors fais-le. Prenez le sens de cela. Si tu peux ne gratter ta peau avec ton ongle, que si tu as un texte, si tu pouvais ne faire quelque chose que si tu avais un texte, c'est ça que ça veut dire ici, alors fais-le. Et prends garde à ne pas parler d'une chose au sujet de laquelle tu n'as pas été précédé par un imam. Allahu Akbar. Wallah, ya ikhwa, c'est une règle que beaucoup d'entre nous connaissent. Et ça, c'est un point que je voulais rapporter dans ce cours. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes que je vais dire aujourd'hui. Et c'est une chose que les ulama, ils n'arrêtent pas de mettre à la lumière du jour et de rapporter. Et c'est une chose que Cheikh Khalid Abdelrahman, hein, d'Égypte, il a rapporté sur une vidéo qui est sur YouTube, mais je ne l'ai plus retrouvé aujourd'hui, à mon avis le lien il a été retiré. Il a dit, ya ikhwa, c'est pas suffisant qu'on connaisse. Il faut le tatbiq l'amali. Il faut le tatbiq amali. D'accord ? Tout le monde entre nous, Allah, sauf vraiment peut-être des débutants, ils ne connaissent pas la parole de Usul Talata. Hein ? En tout cas, tout le monde, sauf les débutants d'entre nous, connaissent la parole de Usul Talata qui est Al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. C'est la parole du même Bukhari dans son Sahih. Mais qui l'applique ? Et qui l'applique dans toute parole qu'on dit ? Surtout quand on parle de din. Hein ? L'ilm qabla al-qawli wa al-amal. La science avant la parole et l'action. Hein? Et ici, prends garde de ne pas parler au sujet d'une chose au sujet de laquelle tu n'as pas été précédé par un imam. On sait ces règles-là, mais est-ce qu'on a mis en application? Est-ce qu'on les met en application? Et pire que ça, j'ai déjà eu affaire à des frères, quand je leur apporte quelque chose du manhaj, hein? Ils vont dans mon, alhamdoukallah, ils vont et disent dans mon dos, ouais ben, Mehdi il parle sans science, de quoi il parle, il sait pas ce qu'il dit, etc. Alors que lui il parle sans ilm. Alors que moi j'ai Badi Ad-Din Sindi rahimahullah derrière moi, j'ai Cheikh Obed Jabiri derrière moi. Hein? Évidemment j'ai pas fait attention à ce qu'il dit sur moi. Hein? J'ai simplement pris les paroles des savants. Badi Ad-Din Sindi, c'était traduit en anglais, un CD de Cheikh Obed, et j'ai donné au frère. J'ai rien rajouté à ça, je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. C'est un exemple concret, ça. Je ne voudrais pas citer de nom, et pas citer sur quoi, sinon vous allez voir qui c'est, etc. Le but, c'est quoi? C'est de l'exemple, en fait. C'est pas la première fois, il y a Ikhwa. Lui, il parle sans ilm, sans imam. Et t'accuses à toi de parler sans imam alors que toi tu parles avec un imam derrière toi. Et tu parles sur un point du ménage qui est connu pour les gens qui s'intéressent au ménage. Et ça c'est un autre point que je voulais, après le point important que je disais, que le fait d'appliquer ce qu'on connaît, ya ikhou akhawat. Subhanallah al-adim. Combien de frères assistent au cours de Cheikh Mohamed Al-Anjari? La mosquée était pleine ou n'était pas pleine? Quelques jours après, on voit certains frères qui étaient là enregistrer une vidéo pour les gens d'innovation. Allahu Akbar. C'est vrai ou non là? C'est comme s'ils n'arrivaient pas à mettre en pratique la science, les points théoriques qu'ils ont pris avec le shir. Ou alors ils ont une passion et c'est plus fort qu'ils veulent la suivre, ils ne veulent pas suivre les textes. Hein? Combien de mashayikhs? Ici c'est plus pour les frères d'ici, mais aussi pour les frères d'ailleurs. Parce qu'il y a même des frères de France, des sœurs de France qui nous demandent sur la mosquée de Green Lane ici. Comment après Cheikh Falah Ismail, Cheikh Obel Jadiri, Cheikh Rabi'a, Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, Cheikh Badi Ad-Din Sindi Rahimahullah, hein, Cheikh Al-Najmi, j'en oublie plein, qui ont mis en garde sur cette mosquée, et certains en live directement ici dans la mosquée comme Cheikh Falah Ismail, devant toi tu le vois et t'expliques en détail leurs erreurs. Cheikh Al-Anjari, devant toi, elle t'explique leurs erreurs, et que lui-même, il a fait personnellement nasiha à Abu Samad Dahabi. Hein? Et je tiens ça d'un frère de la Mektaba Salafia, que Abu Samad Dahabi, à l'époque, il avait dit, Cheikh, je suis avec eux, parce que juste pour le salaire, parce que je travaille pour eux. Cheikh Mohamed Al-Anjari, que machallah, il y a les moyens, il a dit, Akhi, moi, je te garantis ton salaire, quitte-le. Il ne les a jamais quittés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cheikh Al-Anjari, Cheikh A, Cheikh Falah Ismail, d'autres mashayikhs qui viennent dans la mosquée chez nous, ils les connaissent bien. Ils mettent en garde, et encore des frères de chez nous qui appellent à leur cours. Quand il y a une sœur qui arrive et qui demande après des cours d'arabe, qu'est-ce qu'on fait? Certaines sœurs l'envoient griller. Ou dans d'autres mosquées, ce ne sont pas des mosquées salafis dans le coin. Quand il y a une sœur qui demande des cours de Coran, on l'envoie chez une sœur, on ne sait même pas qui c'est dans une mosquée qui n'est pas une mosquée salafie. Subhanallah al-Azim. Plus grave encore, il y a certains de nos frères qui appellent les frères au téléphone et qui disent « Ah, viens prier à Grilline, t'as pas goûté, tu sais pas ce que c'est. Viens, viens mon frère. » Subhanallah l'adim. Subhanallah l'adim. Cheikh Mafal Ismail, personnellement, à la maison, chez lui, quand il était ici, il m'a donné une brochure de Grilline. Écoutez bien ça. Cette brochure de Grilline, elle ne se trouve pas en Europe. Elle se trouve qu'au Koweït et dans les pays du Golfe. Elle est écrite en arabe, elle n'a pas été traduite en anglais. C'est le but de quoi cette brochure? C'est le but de récolter de l'argent pour leur projet. Vous ouvrez la brochure, déjà sur la page de garde, il ne s'appelle plus Al-Hadith comme il s'appelait avant, il s'appelle Grilline maintenant. Cheikh Afal Ismail, ils disent parce qu'ils travaillent avec les Ikhwan Muslimin, les Ikhwan Muslimin ne jamais vont accepter le nom d'Al-Hadith, leur demander de retirer Al-Hadith, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Grilline maintenant. Premier point. Deuxième point, vous ouvrez la brochure, vous trouvez le mufti officiel des Ikhwan Muslimin du Koweït, qui fait une fatwa comme quoi tu peux donner la zakat pour le projet de la mosquée. Or, les fatwas des kibar, l'ulama, c'est le contraire de cela. Tu ne peux pas donner la zakat pour le projet de mosquée. Deuxième fatwa, Omar al-Ashqar, Ikhwan Muslimin encore. La même fatwa. Et la troisième, quelqu'un aussi qui fait partie des Ikhwan Muslimin, hein? Autorisation de prendre la zakat, pourquoi? Pour leur projet d'agrandissement de la mosquée. En association avec qui? Avec les associations Hizbiya du Koweït. Avec les associations, c'est marqué, leur nom ne monte compte. C'est les associations Hizbiya et Khwaniya qui se mettent l'argent pour eux ici. Or, vous connaissez tous, tout le monde connaît leur lien avec Ihya Touraf. Hein? Islami, l'association d'Abdurrahman Abdel Khaliq, que le ulama comme Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Adin et d'autres machaires ont mis en garde contre lui. Et ils ont même dit que c'est un innovateur. Et qu'il a des fous dans l'Aqidah. Et il n'y a pas longtemps, Abu Samad Dahabi, il y a quelques semaines, il a traduit quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle encore ça, Adnan Abqadr, qui fait partie d'Ihya Touraf, et il fait la tiskia d'Abdurrahman Abkhalif, et Abu Samad Dahabi traduit pour lui. Subhanallah, avec toi, après tout ça, vous voyez toujours pas clair. Le Cheikh Fala Ismail, il a amené un certain nombre de copies du Koweït pour donner aux frères, pour leur montrer, leur dire, regardez, nous on les connaît ces gens-là. Et je vous raconte une histoire que Cheikh Fala m'a racontée à moi, que Cheikh Falah Ismail Hafidahullah Ta'ala, il y a très longtemps, parce qu'il connaît Ihya Touraf très très bien depuis plus de 20 ou 25 ans, si pas plus. En tout cas, il s'y sentait depuis très très longtemps, depuis ce nombre d'alala ou plus. C'est ça qu'il faut dire en fait. Hein? C'est que certains parmi les gens d'Ihya Touraf on demandait à Cheikh Falah Ismail d'aller demander, poser la question sur les zakat pour les mosquées. À qui? Écoutez bien les noms. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Masih Al-Abbad et Cheikh Ben Baz. Cheikh Falah Ismail, il a été voir ces trois grands savants-là, personnellement. Et il a enregistré. Cheikh Al-Fawzan, la yajouz, il a dit. Cheikh Masih Al-Abbad, la yajouz. Cheikh Ben Baz, il a dit, la yajouz. Et la chouba qu'ils disent, wa fi sabilillah. Hein? C'est-à-dire que la zakat, tu peux donner à ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Les ulama ont dit, c'est qui? C'est l'hajj ou le jihad. Si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, c'est ça qu'ils disent les ulama. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Sabilillah, c'est les mosquées. Les trois grands machers que j'ai cités là, ils ont réfuté ça. Ils ont dit, là, c'est incorrect de dire ça. Là. Alors que chez qui ils ont été? C'est les Ikhwan Muslimoun. Abdurrahman Abdel Khaliq, quand Cheikh Falah Ismail lui a dit cela, il s'est mis en colère. Il a dit, qu'est-ce qu'ils veulent les ulama, que les savants, que les gens, ils prient dehors sous un arbre? Cheikh Falah Ismail a dit, depuis ce jour-là, je les ai, hein, j'ai, comment dire en arabe, j'ai suis mes mains d'eux, hein, et je me suis innocent et d'eux, et j'ai, subhanallah l'adim. Et on a des gens chez nous, qui n'ont pas honte d'appeler à ce genre de mosquée. Et comme pourquoi je parle d'ici, encore une fois, pour les frères de France, de Suisse, de Belgique qui peuvent nous écouter, etc., ou du Sénégal ou d'autres pays de la Réunion, etc., hein? Ça, c'est valable partout, ya Ikhwa, wa Akhawat. Il ne faut pas travailler avec les gens d'innovation. Il ne faut pas fréquenter les gens d'innovation. il ne faut pas, certainement encore moins, appeler aux gens et aux mosquées des gens d'innovation. Et encore, c'est qui les mauvais là-dedans? C'est nous. C'est nous, on est les durs, les extrémistes. Hein? Et vous avez une très belle réputation de Cheikh Mohammed Ben Hadi Al-Matrali pour ceux qui essayent justement d'y, parce que c'est une chouba qui est très répandue maintenant, que certains essayent de répandre parmi les jeunes et les, hein, et les moins jeunes, les frères et les sœurs, comme quoi que la salafia, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a les extrémistes, les laxistes et ceux qui sont juste, sur le juste milieu. Subhanallah. On a trois salafiens maintenant. Donc il y a trois voies de vérité, c'est ça en fait. Revenez encore une fois à la dora qu'on a fait sur l'extrémisme et l'axisme. C'est pas le journaliste du coin, c'est pas hein, le frère du coin ou l'imam du coin qui décrète c'est quoi l'extrémisme, c'est quoi l'axisme. C'est ni même le prêcheur francophone hein, qui se revendique salafi qui décrète lui-même ce qu'est l'extrémisme et l'axisme. Si rapport d'un savant, na'am, alhamdoulilah. Si tu ne rapportes pas d'un savant, c'est qui ton salafi, c'est que ton imam, mon frère. Laoula salat la qala man sha'a man sha'a. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun dirait ce qu'il voudrait. C'est parce qu'un prêtre revendique la da'wah, c'est l'effet que tout ce qu'il dit, c'est correct. Je peux continuer un peu à... Tu me dis combien de minutes si c'est oui. Minutes, inshallah, ok. Faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis à Ikhwa, si un de nos frères ou une de nos sœurs entend des choubouhat, qu'elle fasse nasiha à la personne. Si quelqu'un vous entendez qui vous appelle à cette mosquée de Grinley ou à toute autre mosquée de Hezbiya, vous ou votre épouse ou qui que ce soit, hein, soyez clair là-dessus. Dites à la personne, et taqillah azza wa jal. Ne m'appelle pas à ces cours-là, voilà les paroles de savants, etc., etc. S'il ne veut pas écouter, qu'il continue, là, on va prendre un mawqif avec cette personne-là. Et si vous avez un problème avec cette personne-là, tout ça, allez voir le responsable de la mosquée. Et faites-leur part de votre problème, et ils géreront le problème. Inch'Allah. Soyez strict là-dessus, ikhwa wa akhawat. Soyez strict. Et le ménage, c'est pas pour les frères, c'est pour les sœurs aussi. C'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une sœur qui entend des choubouhats, elle doit faire nasiha, elle doit réfuter. Si elle n'est pas capable, eh bien elle cherche quelqu'un qui puisse le faire. Alhamdulillah, nos frères, ils ont traduit en anglais, ils ont traduit en français, c'est en arabe, c'est en beaucoup de langues, les réfutations sur ces gens-là, alhamdulillah. Abdelrahman Abdelkhaliq, il y a je ne sais pas combien de réputations de ulama là-dessus. Ils ont même écrit, il y a même des livres qui ont été compilés sur lui, subhanallah al-Azim. Cheikh Ahmed Bazmoul dans son rad sur Ali Had al-Halabi, Sénat al-Salafi, min waswasat Ali Had al-Halabi, il a des passages entiers sur Ihya al-Turaf, l'association Hezbiya du Koweït qui égare les gens avec leur pétro-dinar, comme ils disent les machires, hein, avec leur dinar koweïtien. Comme Cheikh Rabi, il a dit, chaque pays où ils ont été, ils ont divisé les gens en deux. Et ne soyez pas naïfs, ils sont bien implantés en Europe. Ils ont essayé de s'implanter bien en Angleterre, alhamdoulilah, zamlo khair, c'est nos frères qu'ils n'ont pas laissé faire. Et qu'ils ont réfuté à l'époque et qui ont fait le bayan, alhamdoulilah. C'est pour ça que, imaginez-vous que toutes les mosquées ici, tous les centres, ils seraient dépendant de l'Ihya al-Turaf, sous l'Adou Billah. Les frères, ils sont levés, même devant certains machirs à l'époque. Quand certains de ces machirs-là, ils avaient encore une tesquia, comme Ali Hassan, Salim Elali et d'autres. Là, ils sont levés devant, ils ont dit jamais. Et même certains, ils se sont fait sortir de l'assise. Ils ont dit jamais. Et quand ils ont voulu qu'ils signent un pacte comme quoi, ils reviennent avec Ali Hassan, etc., comme quoi, ils reviennent qu'à eux. Les frères n'ont jamais. C'est comme ça le mawqif des salafis. Et regardez, le temps il a montré que ces gens-là s'étaient égarés. Mais à l'époque, déjà les frères avaient un mawqif. Zila, nous on revient au kibar là-dedans, on revient au kibar là-dedans. Pourquoi on doit revenir qu'à vous? Pourquoi on s'associe avec ce genre d'association? Là, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas haché parce que c'était des machaires. Ils sont levés, ils ont dit le haq. Écoutez cette parole ici. إنما يسأل عن النوازل من يحسن الاستنباط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حسب كل مدور رغيفا وكل بيضاء شحمة وروى عن كسور بن ضمور وهيان بن بيان فهذا لا يسأل عن شيء ولا عن شروى نقير فضلا عن الدين فضلا عن النوازل تنزل بالأمة لا ينتصب لها إلا أهل الاستنباط من الأئمة صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا فالخوارج لا يزدادون بعبادتهم من الله إلا بعدا كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. Ne sont questionnés au sujet des calamités que ceux qui savent extraire les jugements du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les enseignés dans la science. Et tandis que celui qui prétend... Afwan, écoutez cette belle expression en arabe, je ne sais pas si vous l'avez comprise, mais... Hein, il a dit... وَأَمَّا مَنْ حَسِبَ كُلَّ مُدَوَّرٍ رَغِيفًا. Tandis que celui qui prend tout cercle pour un pain. Tout ce qui est rond pour lui, c'est un pain. Il ne sait pas faire la différence. Et toute chose blanche, blanche pour un morceau de graisse. Il rapporte de Kassour ibn Dhammour. Il rapporte de n'importe qui. Et d'après Hayyan ibn Bayyan. Celui-là n'est questionné au sujet de rien, ni bure ni bureau. Qu'en est-il alors au sujet de la religion? Et qu'en est-il alors au sujet des calamités qui touchent la communauté? Et faites attention à certains frères qui traînent dans notre mosquée ou autour de notre mosquée et qui disent non, le tekfir, même toi tu peux le faire. Subhanallah, le tekfir. J'ai posé personnellement la question à Cheikh Hassan Bella quand j'étais avec lui, là, il était là il y a quelques semaines, vous vous souvenez? Cheikh Hassan Abdelhab Marzouk Al-Banna, le frère de Cheikh Mohamed Al-Banna, le savant d'Égypte. Il était ici et je me suis assis avec lui dans une maison d'un frère à Manchester. Et je lui ai posé la question sur ce sujet. Il a dit Subhanallah. Et même dans la mosquée, il l'avait dit. À Manchester, il avait dit Subhanallah. Il a dit c'est Masaïla, c'est même ni pour toi ni pour moi. Il a dit ça revient au kibar, ça là. De rendre juger quelqu'un mécréant, Subhanallah. Et je lui ai dit, cher, comment on se comporte avec ces frères-là? On leur a fait Nasiha, ils veulent pas accepter, etc. Il a dit faites-le, trouvez quelqu'un d'âgé dans la mosquée qui leur fasse Nasiha. Et s'ils ne veulent pas comprendre, qu'il trouve notre mosquée où prier. Simple, wadih, le manager est wadih. Qu'en est-il alors au sujet de la religion et qu'en est-il alors au sujet des calamités qui touchent la communauté? Ne prononce du jugement à ce sujet que ceux parmi les gens de la communauté qui savent mettre en lumière les jugements. Celui qui possède une innovation religieuse ne fait que s'éloigner plus d'Allah. Les khawarij par leur adoration ne font que s'éloigner plus d'Allah, comme l'a établi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le qadar Allah, il ne restait plus beaucoup pour le cours, il restait en arabe, il restait une page et demie. En français, ça fait 5 pages. On continue, c'est mieux qu'on le finisse parce que pour faire un autre cours de 10 minutes, ce sera pas adéquat. Hein? Ok, barakallah fik ahsallah li jazakumullah khairan. Encore une fois, je remercie les frères de Sunna Publication pour Al-Malik et peut-être les autres frères qui sont avec lui de nous donner l'opportunité de parler pour leur confiance qu'ils nous accordent et pour leur bon soupçon envers nous. Jazakumullah khairan. Et qu'Allah les récompense par le Firdaus al-A'la. On continue. لا يريد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أقواما يعرفهم ينادي عليهم وهم يزادون زود غرائب الإبل عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيناديهم فيقال. كنا سيدخل الحديث مثل يدخل رواية يزادون عن الحوض. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب من يده. Celui qui possède ne boira au bassin et ne bénéficiera de l'intercession du prophète صلى الله عليه وسلم aucun innovateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra des gens qu'il reconnaîtra et il les appellera et ils seront repoussés du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme sont repoussés les troupeaux de chameaux. Il les appellera donc et il lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Je, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dirait donc que périssent ceux qui ont innové après moi. L'innovateur ne boira pas du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne boira pas de sa main. A'udhu billahi min dhalik. L'innovateur, المبتدع ينزع منه التوفيق ويوكل الى نفسه وليس لصاحب بدعه توبه ويلقى على المبتدع في الدنيا الذل والغضب من الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذله والصغار على من خالف امري صلى الله عليه وسلم المبتدع ذليل انهم ان هملجت بهم البراهين وتقطقت بهم البغال هم أذل من الذباب لا تغرنكم كثرتهم بكل سبيل فليس بشيء إذ ليس على الجادة المستقيمة. L'innovateur est dépossédé de la réussite, Tawfiq, et il est confié à lui-même. Et celui qui est sur une innovation n'a pas de repentir accepté. On a déjà expliqué ce que ça voulait dire. Et est jeté sur l'innovateur l'humiliation dans ce bas monde ainsi que la colère d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'avilissement et l'humiliation sont pour celui qui transgresse mon ordre. L'innovateur est humilié. Même si les chevaux de somme marchent avec eux d'une marche rapide et que les mules martèlent le sol de leurs sabots, ils sont plus méprisables que les mouches. Ils ne sont pas trompés par leur multitude à chaque voie, car ils ne sont rien, et ceux car ils ne sont pas sur la voie droite. Et ça me rappelle par d'un salaf que Cheikh Obed Jalabir cite souvent dans ses cours. عليك بطريق الهدى ولو قل السالكون ولا ترغرنك طرق الضلال ولو كثر الهالكون. Suis les voies de guidance et c'est même si les gens qui l'empruntent, le nombre des gens qui l'empruntent est moindre et peu. Et prends garde aux voies de l'égarement et c'est même si les perdants sont nombreux. L'innovateur a le visage assombri, le cheikh il dit. المبتدع يسود وجهه في الآخرة تخشى عليه الفتنة وبين لنا ربنا في كتابه المجيد أن من خالف أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تخشى عليه الفتنة وترجمة ذلك بالواقع العملي المنظور في عهد السلف الرجل الذي جاء إلى مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحج وأريد أن أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال يا أبا عبد الله وأي فتنة هي وإنما هي أميال أزيدها الأصل أن يحرم من ميقات أهل المدينة أما هذا فتعبد بأن يحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفه فقال أخشى عليك الفتنة قال أي فتنة إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة هي أعظم من أن تظن أنك جئت بأمر وأعدل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تخشى عليه الفتنة الفتنة زيغ في القلب يخشى على المبتدع زيغ القلب حتى الكفر نسأل الله السلامة والثبات ويخاف عليه ويخاف عليه سوء الخاتمة. L'innovateur a le visage assombri dans l'au-delà, والعياذ بالله. Et l'épreuve est crainte pour lui la fitna. Et notre Seigneur nous a mis en évidence dans son noble livre que l'épreuve est crainte pour celui qui transgresse l'ordre du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le verset? فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Voici la traduction de cela en situation pratique vue au temps des plus prédécesseurs. L'homme qui vient voir Malik, l'imam Malik, l'imam Dar Hijra, rahimahullah, et il dit, oh Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Malik, je veux faire le pèlerinage et je veux entrer en état de sacralisation à partir de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit l'imam Malik, ne fais pas cela car je crains pour toi l'épreuve. Il dit, oh Abu Abdillah, et quelle est cette épreuve? Ce ne sont que quelques milles, ce n'est qu'une distance que je rajoute. Car à la base, il doit entrer en état de sacralisation au mawaqid des gens de Médine. Mais lui, il veut le faire de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il a voulu, par adoration, entrer en état de sacralisation à partir de la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le transgresser. Il lui dit donc, je crains pour toi l'épreuve. Il dit, quelle épreuve? Ce ne sont que quelques milles que je rajoute. Il dit, et quelle épreuve plus grande que tu penses être venu avec une affaire plus juste que ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. On craint pour lui l'innovateur l'épreuve. L'épreuve est une déviance du cœur. On craint pour l'innovateur la déviance du cœur jusqu'à la mécréance. Nous demandons à Allah qu'il nous affermisse. On craint pour l'innovateur la mauvaise fin. Su'ul khatima. Al-mubtadi' al-miskin yu'assiru al-umma ma sahalahu rabbul alamin. Yu'assiru alayha ma yussira. Yus'a'ibu alayha ma suhila. لأن الدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة ودعف العنت فيجيء المبتدع يأتي إلينا بأفكاره هو يعسر الدين ويعقد الأمور على الأمة والمخرج واضح لا يلتبس ومن ضل فضلا عن من اعتقد أن الله جل وعلا لم يجعل الحجة في كتابه قائمة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرة ليوم الدين فقد أساء الظن بربه وأساء الظن بدينه وأساء الظن بنبيه صلى الله عليه وسلم اعتقد أنه ما من نازلة تنزل بالأمة مهما بلغت ولا نازلة هي أكبر من ظهور الدجال فيها وأعظم فتنة تنزل منذ خلق الله رب العالمين السماوات والأرض إلى آخر الدنيا ومع ذلك جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لائحة المسالك ودلنا على النجاة من المهالك فكيف بما دون ذلك اعتقد اعتقادا جازما لا يتحلل أنه مهما نزلت بالأمة من نازلة ومن بلغت فهي كتاب ففي كتاب الله رب العالمين حل إشكالها وكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان بيانها ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله فالله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'est-ce que le dit Cheikh Rasslan pour finir ce magnifique cours ou cette magnifique khutba qui a pour titre Ils sont la paix des cœurs. Le pauvre innovateur rend difficile à la communauté ce qu'Allah, le Seigneur des mondes, a rendu facile. Il lui rend difficile ce qui lui a été facilité. Car la religion est venue avec le fait de lever la difficulté et la suppression de la peine et de repousser la contrainte. Et l'innovateur arrive avec ses idées et rend la religion difficile et complique les choses à la communauté. Et la solution est claire et ne prête pas à confusion. Et celui qui pense sans parler de celui qui croit, qu'Allah n'a pas établi la preuve dans son livre et dans la parole de son messager d'Allah, dans son messager sallallahu alayhi wa sallam, établi et apparent jusqu'au jour du jugement dernier, aura eu le mauvais soupçon envers son Seigneur, et aura eu le mauvais soupçon envers sa religion, et aura eu le mauvais soupçon envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Crois qu'il n'y a pas de, crois mon frère, crois ma soeur, qu'il n'y a pas de calamité qui touche la communauté aussi grande qu'elle soit. Il n'y a pas de calamité plus grande que l'apparition du déjal à la communauté. Il est l'épreuve la plus grande qui existe depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre jusqu'à la fin du monde. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une liste de comportements à avoir. Il nous a indiqué la voie du salut lors des dangers. Qu'en est-il alors de ce qui est moindre que cela, hein? Et je vous rapporte, on a parlé de ça dans notre cours. On se le sonne à l'imam Ahmed, expliqué par Cheikh Rabi', comment il faut se comporter quand le déjal sortira. Si tu ne sais pas et qu'il sort, comment tu vas te comporter, akhi fillah? C'est encore une fois l'ilm. Attention, l'ilm, c'est vital. Cheikh dit, crois une croyance ferme qu'ils ne seront pas, que quelle que soit la calamité qui touche la communauté, il y a dans le livre d'Allah, le Seigneur des mondes, la solution à ce problème. Et également la clarification dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est cela, celui qui le sait, et ignore cela que celui qui l'ignore. Et c'est d'Allah dont nous appelons le secours, et en lui que nous plaçons notre confiance, et que les prières d'Allah et ses salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa femme et tous ses compagnons. Wallahu a'lam, on a toujours fini ce cours-là en trois cours, qui a pour titre « Ils sont la paix des cœurs » de Cheikh Mohammed Saïd Raslan, « Innahum ta'un al-qulub ». Je remercie encore une fois les frères de Sunna Publication de nous avoir donné l'opportunité de faire ce cours. Et ils seront disponibles donc sur leur site et sur notre site SP Birmingham, Inch'Allah, un des points comme dès qu'il sera remis à jour. Et qu'Allah nous facilite à tous l'apprentissage de la sunna et sa mise en pratique jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala et qu'il nous tienne à l'écart de la bid'a et de ces gens jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et que peut-être inshallah si les frères sont d'accord, peut-être qu'on trouve un autre sujet, qu'on puisse faire d'autres cours inshallah sur la radio du site. Wa jazakum allahu khairan, et je vous demande l'autorisation de vous quitter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.